Page 83. Activité 4. Piste 60 Carthose. A. Quand est-ce que tu as cours de français? Le lundi et le vendredi. B. Quand est-ce que vous regardez la télé? Nous regardons la télé le soir. C. Quand est-ce qu'ils vont à la piscine? Dimanche, je crois.